passer à la période de questions. Je tiens à faire remarquer, parce qu'il y en a quelques-uns qui l'ont peut-être mentionné, des personnes à l'entracte qui sont ici pour la première ou une des premières fois, qui disaient que le langage ou les mots utilisés, ça leur paraissent peut-être un peu étranges. Ça se place. Après 3-4 conférences, vous allez comprendre le langage totalement. Oui. Partiellement, totalement. On va pour la question. L'homéopathie peut-elle être dangereuse pour la génétique? Ah, c'est une question intéressante. Bah, effectivement, l'homéopathie a des effets sur la génétique à long terme. Sauf que ce qu'on doit savoir, c'est qu'on ne peut pas l'éviter. Chaque fois que vous respirez de l'air, vous faites de l'homéopathie. Chaque fois que vous mangez quelque chose, vous faites de l'homéopathie, parce qu'il y a toujours des petites particules là, qui sont totalement diluées à travers tout ce que l'on mange, tout ce que l'on respire. Ça a des effets. Maintenant, les effets ne sont pas désastreux, les effets sont tellement secondaires que finalement, ça n'apparaît à peu près jamais en termes dominants dans l'expression génétique d'un humain. C'est pas un problème majeur, ça altère, mais ce n'est pas dangereux. Qui est Dieu ou qu'est-ce que c'est? Est-ce nos esprits ou autre chose qui est supérieure ou inférieure à nous? Quelle est la réalité de ce qui est? On va revenir après. Les intraterrestres sont-ils astralisés ou mentaux ou les deux? Ils sont astralisés. Explique. S'il vous plaît. L'enfer de la planète, les mémoires de l'enfer partent du centre de la Terre et vont jusqu'à quelques pieds à la surface. Alors, ils vivent à l'intérieur du plan planétaire et leur mémoire est ainsi que tout ce qu'ils ont en contact avec l'humain, tout ce qu'ils ont de l'humain en majorité, c'est un phénomène qui est totalement infernal. Quand on parle d'infernal, on parle d'astral, on parle de bas astral. Quand l'humain se rappelait de l'enfer il y a de cela quelques années, il avait toujours l'impression que c'était des feux éternels. Ben, la mémoire planétaire, la matière, ça enregistre des choses, et la mémoire de la création de la planète, la mémoire de la densification de la sphère de feu en matière, c'est la mémoire qui faisait référence à l'enfer humain. Donc, les intraterrestres eux-mêmes ont de l'astral. Tout ce qui cohabite, tout ce qui s'approche d'un contexte planétaire devient astralisé. Et c'est pourquoi l'évolution de la matière humaine est tellement longue, c'est à cause de la mémoire de tout ce qu'il y a là. Si on dit, est-ce que les intraterrestres sont mentaux, donc mentaux, ben oui, ils sont mentaux aussi, certains le sont, sauf qu'ils sont en premier astralisés, parce que le mental naît sur l'astral. Le mental, c'est la capacité de légiférer, de régir, et d'avoir une pensée logique, pensée qui nécessairement est structurée à partir de la mémoire. L'intraterrestre n'a pas de savoir instantané, il n'a pas de contact avec l'intelligence supramentale. L'homme commence à avoir un contact, quand je parle d'homme, je parle nécessairement de l'homme, de la femme et de l'enfant. Certains commencent à avoir un contact avec le plan de l'intelligence supramentale, donc avec leur esprit. Mais qu'est-ce que c'est pour un ego que de dire « j'ai un contact avec mon esprit » Ben, l'ego ne peut pas dire « j'ai un contact avec mon esprit » parce que vous n'avez pas d'esprit. Tu n'as pas d'esprit. Tu fais de l'esprit. De bottine. Tu n'as pas d'esprit, pas en tant qu'ego. L'esprit rentre en contact avec le corps physique, l'esprit rentre en contact avec l'ego, mais l'ego ne peut pas dire « j'ai un esprit ». Ça n'appartient pas à l'ego. Alors, les intraterrestres sont astralisés, ils ont de l'astral, et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'ils essaient de s'en sortir. S'ils auraient compris, s'ils auraient un savoir instantané, ils sauraient qu'eux aussi n'ont pas de libre-arbitre, et ils n'essaieraient pas de s'en sortir. Mais l'intraterrestre fait partie de ce qui va pousser l'humain dans l'état à venir, à détruire totalement la mémoire de la spiritualité, c'est-à-dire la vision émotive et mémorielle traditionnelle, donc, de la présence de l'homme dans l'univers. Et les extraterrestres vont par là-même détruire leur propre système religieux, leur propre théologie, en même temps qu'ils aideront à détruire la théologie ou les théologies qui appartiennent à l'humain. Présentement, l'humain a besoin de théologie parce que l'humain n'a pas suffisamment de savoir instantané pour pouvoir pallier à son manque de savoir, à son manque de connaissance, à son manque de perception. Tout ce que l'humain ne peut pas percevoir, il doit l'inventer, l'imaginer, parce que cela comble son besoin de connaître. Si l'humain n'est pas capable de s'imaginer, donc d'inventer, de penser à des choses, d'expliquer émotivement, qu'est-ce que ça veut dire expliquer émotivement? Ça veut dire de se donner une explication qui lui plaît. C'est ça que ça veut dire expliquer émotivement. Si l'humain n'est pas capable d'expliquer émotivement sa présence dans l'univers, il sera trop instable dans sa psychologie pour être capable de se maintenir en vie. Et c'est pourquoi les personnes qui ne peuvent le faire se suicident. L'individu qui évolue, à un moment donné, voit les explications émotives de sa présence sur la Terre ou dans l'univers se détruire. Il devient extrêmement instable dans sa psychologie, donc dans son astral. Mais vu qu'il est supporté par une vision mentale, une vision logique, une mentalisation, qui devient un problème aussi à un moment donné, mais la mentalisation va lui dire « Tu veux te suicider, ça ne sert à rien. Tu veux rester en vie, ça ne sert à rien. » L'intelligence va parvenir à traverser la pensée ainsi qu'au circuiter vers le mental, et là, l'humain va finir par savoir des choses qu'il n'aurait jamais pu apprendre. Ça ne s'apprend pas. Ça se sait. L'être terrestre n'a pas encore cette possibilité. Sa génétique est une génétique involuante. Nous avons une génétique évoluante. Donc, nous montons, lui, il descend. Il fut un temps où il était supérieur. Il est un temps où il est inférieur. Inférieur du point de vue de la capacité de supporter de l'intelligence. Pas inférieur du point de vue péjoratif. Il est inférieur, on est supérieur, etc. C'est bon pour la spiritualité. Est-ce qu'on peut, oui, on peut, merci, utopiser et dire que comme il n'y a personne qui a de libre arbitre, il n'y a pas plus les intraterrestres que nous autres, que les extraterrestres, qui ont été amenés ici par l'intelligence pour résorber les mémoires les plus basses de l'astral, puis pour en permettre la planète d'être plus belle, et laisser à l'homme résorber les mémoires les plus hautes de l'astral. C'est chiant de le dire. OK, merci. On même dit c'est intraterrestre de le dire. OK, on ne le dira pas. Mais c'est ça. Ça se peut-tu? Oui. Non seulement ça se peut, mais c'est ça. Mais il y a d'autres choses aussi que les intraterrestres qui font le même travail. Pensez-vous que l'homme doit supporter le karma planétaire de toute son évolution? Est-ce que tu trouves que tu as suffisamment de problèmes? Oui, merci. Voilà. Alors, dans les basses sphères de l'astral, il y a d'autres problèmes bien pires. Les intraterrestres doivent les absorber. Et plus bas, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que les intraterrestres pour absorber. Qu'est-ce que c'est, les autres choses, plus bas que les intraterrestres? Les énergies telluriques, entre autres, on parlait tout à l'heure de la vapeur du passé. Il y a des mécaniques comme ça, qui sont là uniquement pour récupérer les derniers bastions. Et quand on va encore plus bas, eh bien là, on touche ce qui fait traditionnellement, et ça n'existe, mais là, on parlera des mécaniques diaboliques, on parlera des mécaniques fantomatiques, on parlera de tout ce qui fait partie de ce que l'homme appelle le mal. Alors, Satan, en termes sataniques, et non pas en termes sataniens. On parlera d'Ahriman, on parlera de tout ce qui fait partie des choses diaboliques, et toutes les religions en ont besoin, toutes les psychologies ont une partie extrêmement noire, et l'humain, on lui dit, essayez de fuir l'enfer, ou donc le noir, pour gagner le blanc. Si on le fait, ça crée un problème. Et il est reconnu, traditionnellement, que plus le bien avance, plus le mal avance. C'est bien évident. Plus vous allez laisser tomber le mal que vous contrôlez, plus le mal sera libre, sans contrôle. Et plus nous sommes bien, mais plus l'extérieur devient noir. Quand je parle d'extérieur, je ne parle pas nécessairement des autres humains. Ça peut être des tremblements de terre, ça peut être des apocalypses totales, du point de vue sismique, du point de vue volcanique, du point de vue d'ouragan, du point de vue climatologique. Bon, ça, c'est le mal qui peut détruire l'homme, un peu apocalypse matériel. Et ça, les différents prophètes, y compris Jean de Patmos, donc celui qui a écrit l'Apocalypse de la Bible, de l'Apocalypse de Saint-Jean, parle justement de grandes perturbations qui sont d'ordre écologique, mais qui sont naturelles. Alors, on va dire qui sont divines, contrôlées par les dieux. Plus l'être humain évolue, plus il extirpe, plus il rejette de lui ce qui l'empêche d'avancer, jusqu'au jour où vous allez être capable de rejeter la partie de votre âme que j'appelle l'anti-homme. Et quand vous allez la rejeter en masse, les individus les moins solides vont récupérer cela et deviendront des individus qui seront totalement contre vous. Et il y en aura une masse. Et à un moment donné, quand il y aura suffisamment d'humains qui vont rejeter cela, c'est le monde de la mort qui va récupérer cela. Et le monde de la mort est ce qui dirige les divinités, les religions. Et c'est ce qui va engendrer des guerres fanatiques, des guerres saintes. Contre ceux qui ne font pas partie de la même théologie, et surtout contre ceux qui ne font partie d'aucune théologie parce qu'ils deviendront la théologie. Je ne parle pas donc des athées. Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais il peut croire aux extraterrestres. Les êtres nouveaux sont des êtres qui ne croiront pas. Ce sont des êtres qui vont savoir. Et ils feront partie de la théologie. Ils seront ceux à détruire, à fuir, à suivre et adorer, dépendant des peuples et des personnes. Et nécessairement, eh bien là, ce sera le temps d'être sauvé. Et quand tu dis on est transportable, c'est qu'on va ne conserver, ceux qui seront transportables ne conserveront que le bien, puis rejetteront tout le mal, puis là, ben, comme le mal sera sur le mal... Quand, il faut s'entendre par le mal. Tout ce qui descend, c'est on le rejette, ça ne sert à rien présentement. Quand ça va remonter, on va le réaccueillir, le redigérer. Alors, qu'on parle de mal, c'est pour que les égos comprennent, mais ce n'est pas du mal. C'est des énergies plus basses. Ah oui, la glace, c'est extrêmement mal comparativement à l'eau chaude. Pourquoi? Parce que ça refroidit l'eau chaude. Mais l'eau chaude, c'est le Dieu comparativement à la glace. Pourquoi? Ça réchauffe la glace. Le résultat, c'est l'homme. S'ils sont astralisés par les intraterrestres, pourquoi mettent-ils des implants dans les glandes pinéales ou pituitaires de l'homme quand ce ne sont pas des implants musculaires au niveau de la jambe? À quoi ça sert? Ne contrôle-t-il pas déjà les humains par l'astral? Bon, premièrement, il y a encore ici certains mélanges. Les implants qui ont été placés par les intraterrestres chez les humains sont des implants qui sont organiques, en majorité. Ce sont des implants qui ne fonctionnent pas, ce sont des implants qui n'ont qu'une seule fonction, c'est d'envoyer de l'information de ce que l'humain vit dans le monde de surface à des capteurs intraterrestres. Et il y a énormément de galvaudage en ce qui concerne la quantité d'implants placés à l'échelle de la planète. Les intraterrestres sont à peine capables de faire ce genre de travail. Ils l'essaient. D'ailleurs, la CIA, c'est ça, le KGB, c'est ça, le deuxième bureau, c'est ça, le SDE, c'est ça. Il y a plusieurs sociétés secrètes gouvernementales, des polices, qui essaient de ce genre de travail. Mais ce n'est pas opérationnel. On en a placé pour créer des gens télépathes ou des gens téléphates, des gens qu'on pourra lire leur pensée à leur insu. Il y en a qui ont des implants uniquement pour communiquer des informations, eux, ça ne dérange absolument pas leur vie. La minorité seront télécommandés, donc commandes à distance. Et à un moment donné, j'ai entendu dire un bonhomme qui... J'ai entendu dire un paquet de personnes, mais dans l'astral, on peut entendre parler de... Moi, j'ai une cicatrice sur un des deux côtés de la tête, je ne sais plus trop où. Et la personne, elle disait justement que j'avais un implant. Et ma soeur n'est pas tout à fait ravie d'accord, parce que c'est elle qui m'a fait traverser la corps et fenêtre lorsque j'avais 3 ans. Une implantation de carré de... C'est ça, alors il y a... Prenons l'exemple. Pour rectifier dans l'astral, là, pour que personne ne cesse de... C'est que si la science extraterrestre ou un don intraterrestre est à un point tel qu'on met des implants pour contrôler l'humain, on cache les cicatrices. Sinon, leur science n'est pas tellement avancée. Alors, l'implant, puis, il ne fonctionne pas longtemps. Hein? Okay. Les chirurgiens plastiques sont bien meilleurs qu'eux autres. Implant de nègre. Ouais, c'est ça, oui. Sont-ils comparables à des vampires? Se nourrissent-ils de sang humain? Non, ils ont déjà engendré des phénomènes de vampires. Il y a eu des vampires qui étaient intraterrestres et ils avaient besoin de l'harmonique astrale de l'homme, mais ils se nourrissaient du sang. La majorité des phénomènes des vampires qu'on a connus dans le passé se nourrissaient de l'énergie vitale de l'homme. C'est pourquoi ils étaient visibles, perçus par l'humain, invisible dans un miroir, ils n'existaient pas matériellement en termes de matière, ils existaient en termes d'énergie vitale, et ils puisaient l'énergie vitale de l'humain, ce qui pouvait tuer l'homme, la femme ou l'enfant, mais ce n'était pas du sang. Mais le sang a toujours été symbole de vie chez l'humain, donc dans les histoires et dans les légendes, on met le sang. L'ail est l'un des aliments qui oblige le corps vital à se coller intimement au corps de chair. Donc, quelqu'un qui mange de l'ail ou qui a de l'ail, il fait fuir les vampires. Le vampire ne peut pas ramasser son corps vital. Mais on a eu effectivement des vampires qui ramassaient le sang. Et c'est surtout en Union soviétique que ces choses sont arrivées. On parle de la Transylvanie. Donc, une partie quand même, disons, qui est proche. C'est pas l'Union soviétique, mais c'est à l'époque. Mais c'est tout proche. Alors, il y a eu des vampires comme ça, il y a besoin de sang, mais ces vampires-là, plus ça va, plus ça vampire. Mais les choses sont vampirisées, qui sont morts, c'est... Une partie des banques de sang de la Croix-Rouge a-t-elle servi à nourrir ces intraterrestres? Bon, il y a la quantité de parcelles humaines qui sortent des hôpitaux, qui servent à la science humaine, dirigée par la science intraterrestre, est énorme. À un moment donné, on a forcé, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, je ne sais pas, quand même, on a forcé l'augmentation des avortements uniquement pour récupérer les fœtus. Bon. Alors les fœtus, on les mettait dans des sacs de plastique et puis on les jetait aux poubelles, mais c'était pas un camion viande non comestible qui passait par là. Alors, on a fait énormément de choses dans le genre. Mais dans le passé, ce que l'on faisait souvent, c'est qu'on disait à la mère que le bébé était mort-né. L'avortement, ça n'existait pas. Et il y a énormément de personnes qui ont perdu leurs enfants mort-nés, mais ne les ont jamais vus. Qui sont les incubes et les succubes? Bon, mais là, avec l'autre, on va revenir aussi, c'est des mécaniques astrales. Le peuple québécois est-il descendant des, je sais pas ce que c'est marqué, de France, des gouvernants de France probablement, ou tout du genre, qui seraient d'anciens juifs convertis au catholicisme? Le peuple québécois est descendant, réincarne énormément de mémoire du peuple allemand, descendant en majorité des Teutons, donc des Vikings. Une grande partie du peuple québécois mélangé sanguinement est descendant de la royauté française et de l'aristocratie anglaise. Bon. Avec des mercenaires écossais, irlandais et ces choses-là. Ésotériquement, le peuple québécois, on a déjà vu que le peuple américain réincarnait surtout l'Empire romain. Les Américains sont des bâtisseurs capables de faire la guerre pour régir des empires, mais ce ne sont pas des dangereux. Le peuple québécois, lui, réincarne ce qu'il y a de plus dangereux planétairement en tant que peuple. Autrement dit, le peuple québécois est capable de faire ce que l'Allemagne a fait lors de la Deuxième Guerre mondiale s'il n'est pas suffisamment régi par de l'intelligence. Il a l'air d'un peuple bâtard, nul, faible, quétaine. Et malgré qu'il est entouré des Canadiens, comme ça? Oh, il y en a plein d'autres. Malgré qu'il est entouré des Canadiens anglais, des États-Unis d'Amérique, il est resté français. Il est présentement celui qui préserve la langue française, étant donné que l'Europe, les Français et la France ont de la difficulté à la préserver. Hein, la farce qui est la plus bonne, c'est quand tu as parqué ton camion dans le parking un week-end pour aller faire du shopping, c'est français. Mais si tu as stationné ton truck dans un stationnement une fin de semaine pour aller magasiner, il y a un angliciste. Truck. Alors, les Québécois C'est ça, ça paraît pas. Ça va paraître. Espérons que ça va bien paraître. Faisons-nous partie des peuples juifs, du peuple juif? Oui, il y a énormément de mélanges atlantéens, juifs. Les juifs, ce sont... Bon, les juifs ont dit qu'ils sont maganés sur la planète parce qu'ils ont tué le Nazaréen. C'est d'ailleurs pourquoi que Tibère, réincarné en Adolf Hitler, a tout fait pour les exterminer. Bon. Mais les Juifs, c'est aussi d'autres choses. Ils ont commis d'autres bévues dans ce qui a incarné le peuple juif a des... C'est un peuple puni. Bon, pour un paquet de raisons. Ça ne vaut pas trop la peine de tourner le couteau dans la plaie. Il est en train de finir de purger son karma. C'est un bon peuple. Mais pas sur la bonne planète. Alors, de livraison. Est-ce qui explique que les Québécois n'ont jamais été assimilés? Non, ce qui explique que les Québécois n'ont jamais été assimilés, c'est que les Québécois font partie de la sixième race, de la prochaine race, de la sixième race mère, donc de la première sous-race de la sixième race mère, alors que le reste de la planète font partie de la cinquième race mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sous-races. Le Québec est ésotériquement placé sur le bouclier canadien, qui est la Terre blanche, donc la première Terre de surface, la seule Terre qui ne bouge pas lors de cataclysmes majeurs qui est capable d'engloutir d'autres peuples. Alors, évidemment, ça ne vaut pas la peine de flatter nos égos. Ah, ouais, je suis Québécois. Comme... Il y a un paquet de Québécois qui ne sont pas des Québécois, qui sont simplement venus au monde au Québec. Bon. Il y a un paquet de Québécois qui s'importent. Hein. Il y a beaucoup d'immigration vers le Québec. Les autres sont des vrais Québécois, mais qui viennent de d'autres nations. Ce sont des Québécois ésotériquement. Alors, puis en plus, si on est un Québécois, puis tant mieux, ben, ça, on n'a rien à voir là-dedans, on n'a pas de mérite, ce qui fait que ça n'a pas la peine qu'on se flatte, c'est comme ça. Mais le Québec est un peuple qui... C'est le peuple qui va ramasser l'humanité dans les années qui vont venir. Ramasser dans le sens... Dans le sens ramasser. Avec une pelle ronde ou... C'est ça. Dans le sens ramasser, oui. C'est de là que va partir ce qui va restructurer les choses après. Est-ce voulu planifier d'avance tout cela? Ah, ben c'est pas voulu, mais c'est planifié d'avance. D'où tiens-tu ces informations? J'ai lu un bon livre quand j'étais jeune. La question, elle est intéressante. Mais là, je ne veux pas frustrer l'ego de la personne qui la pose. La question, elle est intéressante, mais en même temps absurde. Pour la simple raison que, quelle que soit la réponse que je vais donner, la question peut se reposer. Quand quelqu'un dirait, moi, je prends ça dans la Bible. Mais où est-ce qu'ils ont pris ça, ceux qui ont écrit la Bible? Et ça venait de Dieu. Où est-ce qu'ils ont pris ça, Dieu? Dieu sait tout. Alors, je peux aussi répondre, moi, je prends ça où? Directement de Dieu. Ah, ben alors, il se prend pour un autre. Mais ceux qui ont pris ça de Dieu pour écrire la Bible, ils se prenaient pour qui? On est prêt à reconnaître ceux qui sont morts. Rarement ceux qui sont vivants. Non, je prends ça là où ça se trouve, et puis à un moment donné, chaque être humain va être capable de répondre instantanément ce qu'il a besoin de savoir lorsque ce sera nécessaire qu'il le sache. Es-tu constamment en contact avec le supramental? Je suis totalement en contact avec moi-même. Les bases intraterrestres existent-elles à Saint-Hubert et Gentilly? Il y en existe à Saint-Hilaire, en tout cas. Saint-Hubert et Gentilly. Il y a même un intraterrestre à moustache qui se promène là. Ouais, c'est pas moi. Mais ça, c'est une farce, ça, une farce. C'est un bon gars, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est une farce, ça. Ça intéresse, ça n'a pas de moustache. Ça n'encombre pas avec ça. Ça tient pas sur la peau. Ça tient pas ses écailles, c'est ça? À Saint-Hubert, les Gentilly, en as-tu? Gentilly, oui. Saint-Hubert, il y a des contacts. Les forces armées sont quasiment toujours en contact, mais il n'y a pas de base souterraine intraterrestre là, mais il y a des... Il faut faire attention, il y a énormément de sorties, il n'y a pas de base là. La base, elle est très, très, très profondément enfouie sur le Saint-Hilaire. Il y a des ramifications un peu partout au Québec. Gentilly, pourquoi? À cause de la base d'énergie nucléaire? Non, à cause de la centrale. Centrale. Ouais, pas de la base, excuse. Ben, je ne vais pas m'excuser. Si oui, est-ce qu'il y a un rapport avec les enfants nés avec des malformations génétiques et physiques? Bon, c'est relativement intéressant pour la simple raison que Énergie Canada prouve régulièrement que les malformations génétiques ne sont pas causées par la maudite centrale. Bref, allez vous coucher. Mais Statistique Canada, lui, revient à la charge en disant « Peut-être, mais les statistiques prouvent qu'il y en a plus, là. Ben, » c'est ça. Alors, vous répondrez vous-même à ce que vous voudrez répondre. Mais c'est pas la centrale qui mute les gens. Ça explique. J'adonne une bride d'explication. Comment les intraterrestres se nourrissent-ils? Dans la bouche? C'est une idée, j'ai jamais essayé ça. Ils se nourrissent de quoi? Ah bon, ils se nourrissent de quoi? Tu as leur recette? Ils mangent les carottes par les racines. C'est original, ça expliquerait d'autres choses. Les marmottes. Les marmottes. C'est ça. Non, ils se nourrissent d'aliments qui sont très similaires aux nôtres. Je ne parle pas des recettes, là, mais on parle au niveau de la culture, d'agriculture. Je parle d'aliments organiques. Ils ne se nourrissent pas de patates, ça ne pousse pas sous terre, ils ne se nourrissent pas de ce genre de choses-là. Mais les aliments qu'ils ont sont des aliments qui sont similaires du point de vue de la constitution à ce que nous avons. Autrement dit, nous pourrions facilement manger leur cuisine, ils pourraient facilement manger la nôtre. Ils ne mangent pas de viande? De temps en temps. Je n'ose pas poser mon autre question. Mais la réponse est non. La réponse est non. Y a-t-il de la vie humaine ailleurs que sur Terre? Exemple, sur Mars. Non, il n'y a de vie humaine nulle part ailleurs que sur la planète Terre. Continue donc. Il n'y a pas de vie humaine. Humaine dans le sens de corps physique comme on l'a. Dans le sens homme, de femme, enfant, dans le sens humain. Il n'y a aucune autre vie sur aucune autre planète. Ah, ben là, c'est une autre question, ça. Il y a beaucoup d'autres vies sur beaucoup d'autres planètes, oui, mais pas des planètes de notre système. Je ne parle pas des parvenus, là. Je parle de vie qui naissent là, il n'y en a pas. Sur Mars, il n'y en a pas, il n'y a pas un seul maudit microbe. Bon, le sida n'existe pas sur Mars. Clair? Il y a de la vie sous la Lune, sur le côté caché, mais ce n'est pas une vie naturelle, ce n'est pas une vie autochtone, c'est une vie importée, temporaire. C'est une base qui est là. Il y en a un petit peu sur Vénus, c'est chaud, hein, c'est chaud. Sur Ganymède, les extraterrestres qui sont là, c'est une autre, c'est totalement différent. La Lune et Vénus, ce sont des bases, la Lune, les premières vagues, Vénus, deuxième vague, et le Hymix surtout. Sur Ganymède, ce sont des extraterrestres qui... Bon, on va travailler. Tant qu'à s'amuser dans... Sur Ganymède, les extraterrestres qui sont là, ce sont les gardiens de ceux qui sont sur Vénus et sur la Lune. Ils sont aussi les gardiens de l'homme. Ils sont aussi un danger pour l'homme et pour d'autres raisons. Ils viennent d'où? Ils viennent de loin. Même chose, mais ils viennent de la même planète, de la même place que les deux premières vagues qu'on a ici, sauf que ce sont ces extraterrestres-là qui, à un moment donné, ont commencé à ramasser les particules que l'homme avait laissées dans l'espace. Alors, il y a dans le UNORAD, le commandement nord-américain de défense aérienne caché sous les rocheuses, des satellites qui sont en communication avec eux, et ils ont la capacité de répertorier toutes les particules de métal, les particules étrangères qui sont en orbite autour de la planète Terre, jusqu'à la grosseur d'un crayon. Et à un moment donné, bien, ils ont perçu, n'est-ce pas, un vaisseau qui est apparu là, puis qui a commencé à ramasser, à respirer comme s'il y avait un gros aspirateur, une grande quantité de polluants qu'il y avait en orbite autour de la planète. Et c'est reparti. Eux viennent de Ganymède. Ils font le ménage ou ils en ont besoin? C'est ça. Mais parce qu'ils en ont besoin ou parce qu'ils font le ménage? Pas parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils font le ménage. Eux aussi surveillent l'homme et surveillent les autres êtres terrestres. Mais c'est une mécanique qui sera supplantée par la prochaine venue de l'intervention extraterrestre du point de vue supplémental, comme j'en ai déjà parlé dans la conférence sur les extraterrestres vont intervenir. Et ce n'est pas du tout comme l'humain peut s'attendre. Y a-t-il de le... Non, ça là, j'ai demandé. Quel rôle le Québec a-t-il joué dans... Tu l'as reposé, d'un coup, j'aurais répondu. Quel rôle le Québec a-t-il joué dans tout ce changement? La fonction du Québec est énorme uniquement à cause des êtres humains qui peuvent naître dessus et qui peuvent se transformer sur le Québec, et surtout aussi en fonction de la rigidité du bouclier canadien. Quand on parle du Québec, on parle du KEBEK, évidemment, une partie du sud de l'Ontario, les plaines du Canada, le territoire du Nord-Ouest et le Québec lui-même, en haut des plaines du Saint-Laurent. Le Québec a plusieurs rôles à jouer, encore une fois, pour parce qu'il y a d'autres questions là. On pourra revenir un petit peu, mais il y a une conférence que j'ai faite, c'était le Québécois, une race de cochon, une race à part. Le Québécois, une race à part, et on peut se référer, là on a 2 heures où ce qu'on explique effectivement pourquoi et quel est son rôle. D'où vient le sida? Le sida, c'est un mot. Hein? Ça vient de ceux qui ont baptisé un virus. D'où vient le virus du sida? Syndrome d'immunodéficience acquise, c'est une mécanique qui est intéressante parce que le virus, les virus du sida, le sida, c'est une maladie qui n'apparaît pas. Ça fait partie de mutations génétiques. Il y a, ce qui a créé ça, c'est une altération karmique génétique engendrée par les péchés du monde. Application spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a des maladies qui sont planétairement karmiques, comme la pneumonie, comme la tuberculose, comme toutes les maladies vénériennes. Donc, le sida est une maladie vénérienne et il va être supporté par une altération lors de trop fréquentes relations sexuelles, une altération de l'énergie vitale dans la génétique de l'humain. Mais ce n'est pas suffisant. Par la suite, il va être supporté par la mise au point d'un médicament qui permet d'empêcher le corps physique de rejeter des organes qu'on lui transplante lors de transplantation. Cela fait en sorte que le médicament devait lui diminuer la possibilité que le corps physique de résister à des maladies, donc de rejeter des corps étrangers. Mais ce n'est pas suffisant. Par la suite, suite à 2 et à 3 mutations de rétrovirus, on parvient à engendrer 3 rétrovirus particuliers. Ici, 2 de ces 3 rétrovirus se retrouvent en même temps dans un corps physique qui est suffisamment par la génétique capable d'être a été altéré vitalement dans son code ADN par les relations sexuelles à outrance, en même temps par la transmission, ce n'est pas transmis génétiquement, mais c'est ce qui a permis la création des rétrovirus, du phénomène qui permet d'empêcher le corps de se défendre. On aura accès, donc on pourra découvrir la mécanique du sida. Quand on a des personnes qui sont séropositives mais non malades, c'est qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour être malades. Un rétrovirus, qu'est-ce que c'est? Un rétrovirus, c'est une mécanique, c'est un virus qui a la capacité de retourner vers le centre, vers le noyau d'une cellule, et il va être capable d'agir sur ce qui va créer un rétrovirus, l'ARN, l'acide ribonucléique, je ne sais pas si je rentre dans trop de détails, mais bref, il a la capacité de retourner vers le noyau pour altérer ce qui engendre le processus même de la création de l'ARN et de l'ADN. C'est un rétrovirus. Donc, c'est un virus qui va même jusqu'à la fine source de la mutation génétique. Et là, il commence à jouer dans le corps physique, ce qui fait que le corps physique ne résiste plus à rien, donc attrape toutes les maladies. On ne meurt pas du sida. On meurt de toutes les maladies face auxquelles on ne peut pas se défendre. Qui est l'archange Uriel? Il y a 1 milliard de noms pour désigner le phénomène archangélique. Yel veut dire Dieu. Astralement, le phénomène Ur, c'est... Ça provient de mémoires qui ont été menées à un moment donné par... C'est de l'astral. Le Uriel n'existe pas en tant que lui-même, c'est de l'astral, c'est un phénomène intéressant, amené par... Ce n'est pas lui qui a mené le nom. Ça a été créé dans l'astral par un bonhomme que peut-être certains connaissent, qui s'appelait, il est mort, James Churchwell. Ça dit quelque chose? Non. Bon. Lui, il a rencontré un maître au Tibet, ça fait quelques années de ça. Et le maître au Tibet lui a fait lire certains livres. Les livres qu'il a lus sont des livres que tu lis, et tout ce qui est écrit là-dedans n'a rien à voir avec toi, mais l'énergie qui est dans le livre t'imbibe totalement, il te manipule. Par la suite, il a fait des voyages astrales et il a découvert ce que lui appelait Mu. Et il a découvert sur Mu la capitale qu'il a appelée plusieurs noms, dont le nom Ur. Quand on parle de la mécanique divine, on pourrait évidemment jaser longtemps sur toute la mécanique de la Lémurie. La Lémurie est détruite, il restera Mu et la Polynésie, plusieurs îles, Polynésie. Mu détruite, il va rester l'île de Pâques, San Fernandez, et quelques petites îles comme ça. Il y a des cocos encore qui cherchent des trésors dans ces régions. Tu connais en connaître? Oui. Alors, Uriel est un nom intéressant qui désigne et qui a été récupéré à un moment donné par des messagers extraterrestres pour se présenter devant certains personnages. Uriel est un nom qui est extraordinairement puissant énergétiquement, qui à un moment donné sera récupéré par une mécanique supramentale. Souvent en rêve, je reçois et rapporte des informations qui se révèlent exactes et exactes plusieurs années plus tard. Terminé celui-ci en d'autres incarnations, il n'y aura peut-être pas la génétique nécessaire disponible. On me montre de quoi auront l'air les humains après tel événement de type nucléaire. Ça semblait impossible. Mais un jour, à la TV, j'ai vu des enfants dans des bocaux. Suite aux défoliants au Vietnam, ils sont nés difformes, exactement comme j'ai vu. Souvent, j'ai l'impression d'être simple témoin des choses à venir. Est-ce la clé du transporter à mon insu? Merci. Ce que la personne voit, elle a accès à un avenir, à un futur possible. Ce qu'on a à comprendre, c'est sûr que là, comme ça, on répond à des questions, puis ça va vite, hein? Comme tu disais tout à l'heure, ceux qui viennent pour la première, deuxième, troisième, quatrième, disons 24e, 25e fois, on commence à être pas mal bon. Surtout en période de questions. Mais l'être humain pense que le passé dans sa tête engendre l'avenir. On bâtit le sommet de notre vie sur la base de notre vie, sur le sommet de celle des autres. Ils ne sont pas sûrs qu'ils sont passés avant nous. Mais il y a énormément de choses dans l'histoire qui n'ont jamais existé en tant que matière et qui existent uniquement dans notre tête, qui peuvent même apparaître dans la matière en termes de fossiles ou en termes de vestiges, de ruines. Mais ce sont des ruines neuves, ils n'ont jamais existé réellement comme ville dans le passé. Et cela est créé par l'avenir. Ce que l'humain ne sait pas, c'est que l'humain pense que le passé nous pousse inexorablement vers un avenir particulier. Par contre, en réalité, il y a plusieurs futurs possibles. Ces futurs possibles se battent entre eux dans notre conscience pour amener le corps physique à être dans leur continuum. Pour que cela se fasse, les futurs dans notre tête engendrent une lignée qui est celle du passé, notre passé. Et nous nous y sommes passés pour savoir où nous diriger. Et c'est dangereux. Alors, la personne, ce qu'elle voit présentement, c'est qu'elle est attirée, donc on essaie d'implanter dans sa conscience des mémoires de l'avenir qui sont celles d'une terre en destruction. Alors que toute l'humanité toute l'humanité devrait travailler pour bifurquer totalement son histoire, pour aller vers un autre avenir possible, où il n'y a pas la destruction. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que, juste pour venir comme ça, je déteste faire de la publicité, mais en même temps, c'est lorsque ça répond à des questions, ce n'est plus de publicité, c'est de l'information. Le livre « La cité de Seth », qui sort évidemment aujourd'hui ici, c'est l'histoire de la mécanique qui est employée par certains êtres humains. Je ne compterai pas ce qui se passe là-dedans. Je parle de cette livre d'histoire. C'est ce qu'elle a dit. Dans tous les sens du mot. C'est un livre d'histoire. Compte des histoires. Et on explique dedans, bien évidemment, ça reste romancé, mais c'est effectivement ce qui arrive, c'est que l'humanité, en l'an 2247, est totalement détruite. Il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Et il y a des personnages qui, eux, ont la capacité de voyager dans le temps. Ils ont été dans l'avenir pour pouvoir s'établir, c'était pourri. Ils sont venus et présentement, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de faire en sorte que l'humanité bifurque de chemin pour abandonner l'avenir que la personne rêve, pour se diriger vers un autre avenir qui est aussi possible. Sauf que l'humain ne répétant que ce qu'il a déjà vécu risque fortement de continuer à répéter. Mais vu qu'il a des armes et des substances de plus en plus drastiques, ce qu'il va répéter ne donnera pas nécessairement le même résultat. Ça va créer la roue de Burama, c'est-à-dire qu'on répète inlassablement les mêmes cycles. Mais il y a autre chose que l'humain ne sait pas, c'est que chaque être humain, enfin bref, vit sur une terre séparée, qui, dans un pluralisme des mondes, on appelle ça des mondes parallèles, finit dans la psychologie par s'associer. Moi, je ne vis pas sur la même planète Terre que vous. Donc, je ne vis pas la même vie que l'humain, je ne vis pas le même monde, dans le même monde que la majorité des humains. Et chaque être humain ne vit pas dans le même monde que les autres, mais la majorité des humains pense être dans le même monde que les autres. Et à un moment donné, veut pas, si l'humain fait le choix de l'homme nouveau, si vous faites le choix de l'homme, de la femme ou de l'enfant nouveau, ben il y aura un apocalypse que moi j'appelle l'apocalypse des autres. Et là, on pourra parler de ceux qui sont transportables. Et de quelle façon ça va se faire? Ça va se faire qu'à un moment donné, pour certains, il n'y aura pas de guerre. Et alors que pour d'autres, il y en aura toute une. Les deux êtres humains ne seront pas dans le même monde, quoiqu'ils seront juxtaposés en termes de monde parallèle. La personne, ce qu'elle voit, c'est qu'elle voit des choses qui risquent fortement d'arriver dans un avenir possible. Tout ce qu'on a à faire, c'est de ne pas nous diriger là. Alors, comment on fait pour ne pas aller là? On doit, premièrement, ne pas être collectif. Comment on fait pour ne pas être collectif? On doit se désassujettir de tout ce qui est astral, psychologique, spirituel ou traditionnel. Comment on fait pour se désassujettir de cela? On doit s'en égoïser. Comment on s'en égoïse? On doit intelligencer. Comment on intelligencie? Etc. Je vais mourir en verre sur le phénomène, j'en ai parlé suffisamment déjà. Mais il y a une mécanique, il n'y a aucun problème. Chaque être humain qui peut le faire, peut le faire. Où avez-vous recueilli les renseignements concernant les intraterrestres et avez-vous eu un contact avec eux? Non, non, j'ai pas eu de contact avec les intraterrestres. Discuter avec un ver de terre, c'est pas... Je n'ai pas recueilli les renseignements. C'est des renseignements qui traînent partout dans la mémoire de la planète. C'est facile d'aller savoir où c'est que ça se trouve. Les intraterrestres en rencontrer, non. Effectivement, j'ai déjà aperçu des soucoupes volantes d'intraterrestres. J'ai déjà, de temps en temps, je me suis fait espionner lorsque je faisais du camping par des intraterrestres. Mais il suffit juste que tu te découvres qu'ils sont là et ils ne sont plus là. Non, les intraterrestres sont une peur verte de moi. Comment fait-on pour augmenter son énergie? On n'a pas à augmenter son énergie, on ne doit pas augmenter son énergie, on ne doit rien faire pour augmenter son énergie, il n'y a aucune technique pour augmenter son énergie. Bon. Comment fait-on pour rien faire de même? Eh bien, on doit pratiquer des techniques pour cesser de perdre l'énergie qu'on ramasse quotidiennement à notre insu. On doit cesser de gaspiller notre énergie en discutant avec des individus qui ne peuvent pas comprendre. Pour l'instant, peut-être qu'ils comprendront à un moment donné, mais quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. On doit cesser de perdre notre énergie par des relations sexuelles qui ne servent pas, qui ne servent à rien. On doit cesser de perdre notre énergie par le chialage, l'engueulade, etc. On doit cesser de perdre notre énergie par la frustration, par l'alimentation qui n'est pas convenable. Qu'est-ce que c'est l'alimentation qui n'est pas convenable? Celle qui ne vous voit pas. Bon, on n'achète pas un lit, il faut savoir ce qui ne nous voit pas. Bon, on écoute, puis on finit par savoir ce qui ne nous va pas. Et là, quand on cesse de perdre son énergie, par la peur, par la honte, etc., par le contrôle qu'aura l'ego sur nous autres, eh bien, nécessairement, on a tout ce qu'il nous faut pour grimper où ce qu'on doit aller. Il n'y a pas de problème. Alors, on n'a pas besoin d'aller en chercher plus, on doit boucher les trous. Par rapport... Les respireurs. Les respireurs, oui, c'est ça. Est-ce que... Donc on a fait un voyage à Strasbourg, OK. Mm-hmm. Pose la question. Tu veux répondre? Oui. Ce qui est important Je vais répondre, je vais quand même finir l'idée lui-même au niveau du respireur. Qu'est-ce qui arrive simplement, c'est que le gaz carbonique, c'est fortement génial, c'est aussi conservateur de mémoire humaine que le sang, l'hémoglobine. Alors on a de l'oxyhémoglobine, on a du carboxyhémoglobine. Je ne sais pas si tu en as déjà mangé. L'oxyhémoglobine, c'est l'hémoglobine qui est recouverte de l'oxygène, et le carboxyhémoglobine, c'est l'hémoglobine qui revient par les veines jusqu'au poumon avec le gaz carbonique. Lorsque l'être humain inspire de l'oxygène, il se nourrit. En réalité, l'oxygène est un comburant. C'est l'hydrogène qui est un carburant, c'est lui qui nous donne notre énergie. On a besoin d'oxygène pour la combustion. Lorsqu'il expire, il rejette du gaz carbonique, du CO2, carbone et oxygène. Le gaz carbonique, donc le carbone et l'oxygène, a la faculté de mémoriser intimement ce que l'humain a vécu lors de l'inspiration, c'est-à-dire lors du transport du carbone et de l'oxygène à travers le véhicule humain. Lorsque l'être humain expire, il rejette le gaz carbonique, donc il rejette de l'information pertinente sur ce qu'il est lui. Dans certains monastères de l'Inde, du Tibet, dans l'Himalaya, etc., il y a des personnages, des maîtres. Il y en a une à un moment donné qui se promenait dans la région ici. Et qu'est-ce qu'ils font simplement? C'est qu'on s'assoit à côté d'eux, puis on ne fait rien, on attend. Au bout d'une demi-heure, on sort de là. On a respiré l'atmosphère du maître, et là, on a changé. On est calme, etc. Quand on rentre dans une maison où il y a eu une engueulade, bien, on ouvre les portes. L'atmosphère ne nous plaît pas, puis on fait aérer un peu, on change l'atmosphère. Quand on part en vacances, on change encore d'atmosphère, on va respirer ailleurs. C'est ce qu'on appelle changer d'air. C'est ça. Maintenant, ce qui arrive, c'est que il y a des choses que je ne dis pas, qu'on pourra à un moment donné fouiller dans le roman La Cité de Sept. Et ceux qui reviennent, tout ce qu'ils ont à faire, c'est qu'ils ont vécu pendant plusieurs années dans ces mondes. Lorsqu'ils reviennent, ils ont en mémoire ces mondes-là, mais ils ne l'ont pas tout à fait en conscience, mais un petit peu. Et tout ce qu'ils font, c'est qu'ils respirent. Respirant, ils expirent. Ça l'aide. Expirant, ils forcent tous les autres à respirer leurs molécules de carbone et d'oxygène. Et les autres, lentement, finissent par être imbibés de ce que lui a vécu là-bas. On appelle cela un respireur. Le respireur a comme fonction de pilonner le monde de la mort des autres, de pilonner la conscience de l'homme, de la femme et de l'enfant, totalement à leur insu, mais sans que ça crée de changements radicaux. Autrement dit, le respireur, il a comme fonction de permettre l'attraction plus puissante de l'intelligence supramentale sans forcer l'humain contre son gré à se changer. Ça permet à des êtres humains de se frustrer plus puissamment devant l'inconséquentialité des animaux humains de la planète. Les individus qui vont là sont les individus qui sont choisis par leur affinité à s'adapter. Nécessairement. On n'amènera pas n'importe qui là, puis tout ce qui vient là. C'est autrement dit, on ne veut pas que l'individu vienne nous respirer de la cochonnerie là, dans l'avenir. Les individus sont quand même sélectionnés de par leur génétique, de par ce qu'ils sont eux-mêmes, de par leur phénomène réincarnationnel. Normalement, ces individus-là, ce sont des réincarnations d'aristocrates, en majorité. Même si ça ne paraît pas nécessairement là, l'aristocratie n'est plus là, donc nécessairement ça descend. Alors, les respireurs, il y en a un tabarouette de paquets, et puis il y en aura de plus en plus de personnes qui vont subitement réincarner des mémoires de l'avenir. C'est ce qui ouvre la conscientisation, puis qui défait les barrières en Europe. C'est ce qui va aider, oui, absolument. Et ça, c'est autre chose qui fait cela aussi. Ben, c'est le fait que tu as respiré suffisamment près de quelqu'un qui est allé ou que tu es allé. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'on ne peut pas, suite à ce que je te réponds là, ou suite à ce que je réponds aux gens, on ne peut pas par la suite s'en aller en essayant de triper sur l'idée qu'un jour on a peut-être été quelque part. Bon, il y a une personne qui a écrit un livre à un moment donné, j'ai été sur une autre planète. Je n'ai pas été sur une autre planète. Bon, j'ai vu l'an 2000, il n'a pas vu l'an 2000. Ce qui est important de comprendre, c'est que C'est pourquoi de temps en temps, j'hésite comme ça en conférence régulière, c'est plus facile en conférence spéciale. C'est que si tu es allé effectivement passer un an, deux ans, trois ans, dix ans, etc., là, dans l'avenir, ben, on n'en a rien à foutre. Ça ne change pas votre évolution, ça ne change pas ce que vous êtes. Vous n'êtes pas nécessairement plus transportable pour ça. Vous étiez adaptable et parfait pour faire un respirateur. La majorité seront transportables. Ce que je veux dire, c'est que l'humain, à un moment donné, se dit, hey, peut-être que j'étais là. Waouh! Là, il est de moins en moins transportable. On n'en a rien à faire. C'est comme de dire, par exemple, tu es la réincarnation d'un roi. Parfait. Bon, la personne est tout contente. C'est peut-être le roi d'Agobert, mais tu es le cyclone à l'envers. Bon. Mais on ne doit pas spirituellement, émotivement, commencer à vouloir s'amuser avec ça. Donc, faire des voyages astro-réveillés, on appelle ça triper. Ça, je suis la réincarnation de machin chouette. Moi, je suis un colonel Sanders. C'est ça. Un colonel ne doit jamais se rendre, même à l'évidence. Oui, nous, on est ce qu'on est. On a des mémoires qui nous habitent. Tant mieux, tant mieux, ou tant pis. Mais ce n'est pas de la mémoire de l'avenir qui fait qu'il va développer notre conscience. Ça développe notre frustration par rapport à des désirs égaux, à des désirs astrales. Mais ce n'est pas parce qu'on est frustré, par exemple, de voir la pollution, qu'on se lave à la maison avec un savon biodégradable. Alors, on peut être frustré de voir toute la connerie qui est là, puis on continue d'en faire de la connerie. On respire pour aider les gens à avancer. On n'est pas venu aucun mérite là-dessus. Mais notre conscience se développe en fonction de nous-mêmes. La conscience t'appartient, les mémoires pas nécessairement. Alors à un moment donné, bien, on commence à prendre du savon biodégradable, même en ville. Ben c'est ça, ça coûte pas tellement plus cher. Mais là, la conscience, elle est en mutation. Et la personne, par contre, qui elle se dit, ah bon, il faut se laver avec du biodégradable pour être transportable, ah ben ça, je vais faire. Alors elle n'est pas plus transportable. Elle a appris ce qu'il fallait faire. Vous ne devez pas apprendre, vous devez savoir. Qui sont les incubes et les succubes? Une autre question, va. Bon, je vais juste répondre à parce qu'il y a plusieurs petites choses sur lesquelles on pourrait jaser. Je voudrais juste terminer et je me demande pourquoi s'accroche-t-il au plan génétique. Bon, premièrement, il faut faire attention. Puis là, encore une fois, vu que quand je réponds directement aux personnes, je ne veux pas que les égos des gens se sentent attaqués. Non, c'est parfait, mais je préfère le dire quand même. Bon. Premièrement, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que l'être terrestre est en phase d'involution, il n'est pas en phase d'évolution. Quand il aura fini son évolution, il va commencer son évolution. Donc, cosmiquement, il est en phase d'évolution, mais présentement, c'est une phase de densification qui n'amène pas quelque chose qui semble bien. Nous avons vécu cela il y a longtemps. Et là, nous avons viré le cap, nous sommes en train de faire une ascension, alors que ces énergies-là sont en phase de descente, sont en phase de diffusion. Nous sommes en phase de fusion. Bon, la conscience, elle descend. Toute forme de conscience est involutive de par elle-même. Elle descend vers l'homme et elle s'arrête d'involuer lorsqu'elle touche de la matière capable de la supporter. Parce que l'être humain, il y a de cela longtemps, était très faiblement constitué matériellement, l'intelligence ou la conscience arrivait à un niveau où l'humain se battait entre lui. Parce que l'humain évolue dans sa structure physique, l'intelligence ou la conscience est arrêtée à un niveau plus haut, et l'humain semble plus évolué. Et plus la génétique, par l'éducation, on communique notre information, ainsi que par la génétique, Les corps physiques deviennent plus raffinés et arrêtent la descente de la conscience à un niveau plus élevé. Donc, à un moment donné, on en arrive à voir des choses que, même si on expliquerait ça à des personnes, par exemple, qui sont âgées, et il y a des personnes âgées qui vont comprendre, mais plus on s'adresse à des jeunes, plus facilement ils peuvent comprendre, leur génétique leur permet d'arrêter la conscience à un niveau plus élevé. Et quand l'humain pose souvent la question, pourquoi, disons la conscience, disons Dieu ou n'importe quoi, mais pourquoi ça ne vient pas simplement pas nous dire tout ce qu'on doit faire? Quand ça descend au niveau d'un homme, ça parle le langage de l'homme. Ça descend au niveau du chien, ça jappe. Donc, ça vient dire à l'homme, mais l'homme, ça a rendu au niveau pour que l'homme la reçoive, ce n'est plus rien d'autre que de l'homme. Plus l'homme évolue, plus l'homme arrive à saisir. Ce qui fait qu'à un moment donné, on pourra comprendre une chose, on veut l'expliquer à quelqu'un, comprend pas. Non, il arrête l'intelligence à un niveau où il ne peut pas comprendre notre vision de la chose. L'intraterrestre, lui, est en phase d'évolution. Il savait, il sait moins, il sait de moins en moins, il oublie, il perd. Et si lui est capable de vivre dans l'homme, il arrêtera ce qu'il reçoit à un niveau humain. Si on regarde encore dans l'Antiquité, pourquoi y avait-il tant de prophètes? Mais l'humain est en phase d'évolution, il recevait plus haut qu'aujourd'hui. Mais pourquoi il a tout perdu? Parce qu'il est en phase, justement, d'évolution. Maintenant que nous remontons, nous avons accès à comprendre, à interpréter mieux ce que les anciens ont laissé. Mais à un moment donné, on n'interprète même plus, on ajuste ce que les anciens ont compris, puis après ça, on amène du neuf ce que les anciens n'ont jamais laissé dans la matière. L'intraterrestre, il s'accroche, parce qu'au niveau où il est rendu astralement, il a peur de la mort. Pour lui, la mort, c'est la perte de la conscience d'être là, comme l'humain aussi. Sauf qu'il ne connaît pas tout, mais où il est rendu, il ne peut plus tout connaître. Alors, par contre, une chose qui reste évidente pour lui, c'est que physiquement, s'il veut vivre, il a besoin d'une génétique capable de vivre dans le contexte de la planète Terre. Et un être humain qui n'a pas de corps physique n'évolue pas. C'est pourquoi il y a des corps physiques. Dans le corps physique, on est capable de mémoriser, donc on stabilise le passé, on digère le passé. Mais on se dirige vers l'avenir, par contre. Mais l'avenir, lui, il est totalement en mouvement. La conscience permet à l'humain de choisir un chemin en Rolls-Royce ou un chemin en Lada. Bon. Puis de choisir une route qui est carrossable ou un chemin qui est totalement un chemin de terre. Alors, l'intraterrestre, lui, n'a pas la conscience. Il ne peut pas donc comprendre ce que je dis là. Par contre, il a un besoin génétique vital, l'instinct de survie. Il doit préserver sa race. Mais en réalité, il n'a même pas besoin de la préserver. Sauf qu'il ne le sait pas. Donc, il travaille, ça l'occupe pendant ce temps-là. C'est ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que l'humain fait, que ce n'est pas nécessaire qu'il le fasse, mais ça occupe son ego. Sinon, l'ego ne pourrait pas vivre, il y aurait trop de souffrance chez l'humain. Alors, il travaille, et puis là, il a un résultat. Mais s'il n'aurait rien fait, il aurait le résultat aussi. Et il pense que c'est lui qui l'a fait, mais ça sécurise l'ego. Qui est Dieu ou qu'est-ce que c'est? Est-ce nos esprits ou autre chose qui est supérieure ou inférieure à nous? Quelle est la réalité de ce qu'il y a? Bon, on va y aller morceau par morceau. Quelle est la réalité de ce qui est? L'être humain ne peut pas parler de réalité. L'être humain ne peut que parler de vérité ou d'illusion. Bon. L'illusion, c'est la coloration de la vérité. La vérité, c'est la coloration de la réalité. Sauf que l'être humain, présentement, il est structuré biologiquement et astralement pour percevoir la réalité en fonction de son émotivité. Comme tout à l'heure, la personne, elle disait, dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose que je n'ai pas aimé. Parle encore de perception émotive. Maintenant, à un moment donné, l'humain va être capable de placer de nouveaux mots. Je ne l'ai pas aimé, mais peut-être que je ne l'ai pas aimé, et en même temps, je ne l'ai pas vibré. Ah, c'est tout à fait différent. Mais dans le langage archaïque de l'humain actuellement, on dira « je ne l'ai pas aimé ». Et ça peut être « je ne l'ai pas vibré »,« je ne l'ai pas », etc., puis « je ne l'ai pas aimé ». La réalité, qu'est-ce que c'est la réalité? La réalité, c'est que lorsque vous buvez de l'eau, l'eau devient votre corps physique, et les liaisons atomiques entre les molécules d'eau et votre corps physique sont les mêmes que lorsque vous prenez un bain. Mais vous allez dire, quand je bois l'eau devient mon corps, mais quand je me baigne, je ne suis pas à la piscine. et les liaisons atomiques sont les mêmes. Nous avons déterminé une forme limitée et nous disons « c'est moi ». La réalité est qu'il n'y a même pas de forme. Mais l'humain ne peut pas comprendre ce que je dis là, donc l'humain va personnifier la forme, l'humain va se servir de la forme, créer des limites, et à partir de la forme, il sera capable, dans la mémoire, de se reconnaître. La réalité, c'est que l'être humain n'existe pas. Mais la réalité est aussi qu'il y a la mémoire de l'existence instantanée de l'homme, de la femme et de l'enfant. Ce que je veux dire que la fonction, le rôle cosmique de l'homme est déjà terminé. C'est accompli, c'est fini, on n'en parle même plus. On en parle dans la mémoire du temps. C'est pourquoi je dis souvent que l'humain est une créature du temps. Étant une créature du temps, il devient donc une créature de la mémoire. Donc, pour savoir qu'il est là, il doit se rappeler qu'il a été là. Et ça, ça devient la vérité. Ce n'est plus de la réalité. Le temps est une quantité d'espace. L'espace est une quantité de temps. Ces deux choses-là n'existent pas. La science le sait présentement, l'astrophysique surtout, la physique des particules de plus en rend compte, mais ce n'est pas nécessaire à l'humain de savoir ça du point de vue de son ego pour comprendre les choses. Alors, quelle est la réalité de ce qui est? L'illusion est réelle. Servons-nous-en. Comme je dis souvent, lorsque l'on regarde les étoiles, eh bien, la majorité des étoiles n'existent plus. Une étoile qui est à 2 millions d'années-lumière, ça fait 2 millions d'années qu'elle a émis sa lumière. Quand nous la voyons, et peut-être ça fait un million d'années qu'elle n'existe plus, on va encore recevoir sa lumière pendant un million d'années. La lumière voyage à 300 000 km à la seconde approximativement. C'est comme un boyau d'arrosage. Je vous arrose, quand je cesse, bien, l'eau continue à vous mouiller, moi je ne vous arrose plus. Et c'est ça. Alors ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on regarde le ciel que l'on voit là n'existe même plus, pas comme il est là. Mais on peut s'en servir quand même pour naviguer sur l'océan. C'est précis. L'illusion est utilisable, elle est précise. Mais on dit que c'est la réalité parce qu'elle est utilisable. C'est une farce, en réalité. Bon. Qui est Dieu ou qu'est-ce que c'est? Est-ce nos esprits ou autre chose? Qui est supérieur ou inférieur à nous? Il n'y a d'inférieur que ce qui est inférieur. Il n'y a de supérieur que ce qui est de supérieur. Dans la réalité, on n'en a rien à foutre. Qu'est-ce qui est plus important? Et là, on va dire, je suis vulgaire, je ne suis pas vulgaire. Soyons philosophes convenables. Qu'est-ce qui est le plus important? Je te pose la question. Un tas de merde ou un gâteau ou une pomme? Un tas de merde ou une pomme? L'importance relative des deux. L'utilité, c'est la pomme la plus utile pour moi. Il prend la pomme, il en fait de la merde, franchement. Soyons sérieux, là. Ben, ni un ni l'autre. C'est plus agréable de manger la pomme. Effectivement. Mais c'est plus agréable de la merde. J'ai connu un jour quelqu'un, il mangeait un poulet, puis à l'autre toilette, c'était un poulet qui sortait, tu vois. Il mangeait une pomme, et à l'autre toilette, c'est une pomme qui sortait. Il allait voir un médecin, ça a guéri, le médecin, il a dit, ben, mange-la. Ah oui, si tu vas voir. Supérieur et inférieur, c'est très, très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est uniquement une question de point de vue. Alors, je raconte une petite chose que j'ai déjà contée, mais ça explique bien ce que, oui, c'est une question de point de vue. Il y avait un petit oiseau dans un nid sur une branche d'arbre l'hiver, et puis à un moment donné, ben, l'oisillon a joué sur le bord du nid, puis est tombé en bas. Pouf! Dans la neige. Et là, il y a une grosse vache laitière qui passait par là, puis est arrivée à côté de l'oisillon, elle ne l'a pas vu du tout, elle a mis ses quatre pattes par-dessus, mais elle ne l'a pas écrasé, puis à un moment donné, ben, elle a laissé tomber un gros, pouf, un béret. Un gros tas de merde, pouf, sur l'oisillon. Et quelques 10-20 minutes plus tard, eh bien, il y a un loup qui est passé par là, il a vu l'oisillon dans la merde. Alors, il a pris l'oisillon, il a sorti de la merde, il a secoué toute la merde qu'il y avait dessus, puis il l'a mangé. Et l'idée, c'est que, et c'est comme ça, supérieur, inférieur, bon ou mauvais, celui qui te met dans la merde le fait pas toujours pour ton mal, C'était l'hiver, la merde, c'est chaud, ça l'a sauvé l'oisillon. Celui qui t'en sort le fait pas toujours pour ton bien. Bon. Quand on parle supérieur, inférieur, bon, mauvais, bien, mal, c'est qu'on a une vision nombritique, très limitée, des structures évolutionnaires sur la planète. Alors, bien souvent, on est en train de gueuler alors que tout va bien, mais tout va mal, mais tout va bien. Allez, de temps en temps, on est super ravi, tout content quand tout va bien, et peut-être que là, tout va pas bien. C'est sûr que l'humain aimerait être heureux, heureuse. Mais le bonheur est simplement un état, c'est pas une consistance planétaire. Quand on parle qui est supérieur ou inférieur, regardez ceci. Dieu est parfait. Dieu est partout. Omniprésence, omnipotence, et Dieu sait tout, omniscience. Théoriquement. Pas théologiquement, aussi, mais théoriquement. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, l'homme est parfait, omnipotent, omniscient, omniprésent. Mais apparemment que l'homme n'est pas à l'image de Dieu, parce que... Ben non, ce Dieu-là n'est pas omniprésent, n'est pas parfait. Supérieur ou inférieur, Dieu, tout ce que vous pourriez appeler Dieu, est toujours en essai de contact avec l'humain. Dieu a un besoin vital de l'homme, de la femme et de l'enfant. Parce que Dieu est en train de s'écraser dans la création, Dieu est en phase d'involution. Alors que l'homme a un besoin vital de Dieu. Mettez le mot sur ce que vous voudrez, là, énergie, cosmos, bon, même intelligence supramentale, je simplifie les choses. L'homme a un besoin vital de Dieu, parce que l'homme est en phase d'involution. Alors Dieu essaie de trouver l'homme ou la femme évoluée, et l'homme essaie de trouver la partie de Dieu la plus en affinité avec lui. Qui est supérieur, qui est inférieur? C'est évident que progressivement, présentement, je peux dire, quand je vois un avion avec des passagers, je peux dire, moi qui est dans mon 25e étage, je dis, ah, ils sont supérieurs à moi, ils sont plus hauts que moi. Oui, mais l'avion, elle s'en va atterrir à Dorval. Quand l'avion est atterri, ils sont inférieurs à moi. Moi, je suis au 25e étage. Alors, il y a une... Émotivement, l'humain est toujours en train de vérifier les choses. C'est supérieur parce que ça peut faire plus de choses. Mais son vecteur de déplacement, ça se dirige vers où? Ça se dirige vers moins. Alors que nous dirigeons vers plus. Nous dirigeons vers plus, un jour, on pourra recevoir ce qui descend et s'allier. C'est d'ailleurs le rôle de l'humain, retourner vers Dieu, vers le centre source. Dans mon langage à moi, ça veut dire résorber la création. Dans un langage plus direct, ça veut dire détruire la création. C'est le rôle de l'homme. Résorber la création, éliminer la mémoire, le temps et l'espace. Qui est Dieu? Le Dieu que l'humain adore est un Dieu créé par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme qui évolue au même rythme que les humanités. Dieu de colère et de vengeance à l'époque où l'homme ne connaît pas le pardon. Dieu de pardon à l'époque où l'homme commence à se pardonner entre lui. Dieu de paix et Dieu d'etc. lorsque l'homme commence à vibrer ce genre de choses-là. Il y a les pieds de Dieu, ce que l'humain a adoré. Dieu donne des commandements. Commandement, ne faites pas d'image ou n'adorez pas de choses à mon image. Toutes les églises du monde, ils auront des représentations quand même. Il y a dans Dieu, il y a le phénomène intentionnel que l'humain ne connaît pas, le phénomène gratuit que l'humain ne connaît pas, le phénomène de l'intelligence instantanée que l'humain commence à connaître, la copie conforme du plan de gratuité qui sera l'amour psychologique chez l'humain, la copie conforme dans la mémoire de l'intentionnalité qui sera le plan vital chez l'humain. Alors, l'homme, la femme, l'enfant n'a pas encore une réelle vision, saveur de ce que c'est Dieu, parce qu'il saurait que, de toute façon, lui-même est en contact avec cela, parce qu'il l'est, par un ajusteur de pensée, par plusieurs mécaniques. Et ce que l'humain adore et ce que l'humain déteste, à un moment donné, c'est uniquement des visions émotive humaine d'une cosmologie que l'humain n'a pas réussi à gober jusqu'à là. Les incubes et les succubes? Bon, ben, on pourra revenir. Regarde ta question, regarde ta question. Ramène la semaine prochaine, oui, c'est ça. Oui. Vendredi prochain, le titre de la conférence, les contactés extraterrestres. Maman. On va parler de plusieurs ici qui sont peut-être en contact et qui ne le savent pas, et d'un paquet d'autres qui le savent et qui ne le sont peut-être pas. Bonne fin de semaine.